Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons faire une petite incursion à cheval entre la science et la politique pour parler de la voiture électrique. C'est que cette voiture électrique n'a peut-être pas tous les avantages environnementaux qu'on lui prête et surtout, elle soulève des enjeux éthiques. David Rochelot-Houle est conseiller en éthique à la commission de l'éthique en sciences et en technologie et il va nous expliquer tout ça. Bonjour David. Bonjour. Alors David, en fait, c'est un petit peu surprenant de venir parler, a priori, c'est un peu surprenant de venir parler de voitures électriques aujourd'hui, comme ça, donc en pleine campagne électorale. Donc, pourquoi? Mais justement, comme vous l'avez mentionné, Valérie, comme vous le savez, nous sommes présentement en campagne électorale et tous les partis politiques, sauf le Parti populaire de Maxime Bernier, avancent des idées pour favoriser l'adoption de la voiture électrique. Juste pour donner quelques exemples, le Parti libéral, dans une annonce d'abord faite au printemps dernier, promet une aide de 5 000 $ pour l'achat d'une voiture électrique de moins de 45 000 $. Le Parti conservateur aiderait la transition vers les voitures électriques, mais sans donner trop de détails pour le moment sur comment il aiderait cette transition. Le Parti vert promet d'interdire la vente de véhicules de promenade à moteur à combustion interne d'ici 2030, alors que le nouveau Parti démocratique, le NPD, propose sensiblement la même chose, mais pour 2040. Le Bloc québécois, de son côté, promet, entre autres, un rabais pour les ménages à faible revenu à l'achat d'une voiture électrique. Et la campagne électorale, mais aussi le contexte social actuel, donc il y aura demain des manifestations pour l'environnement, c'est une belle occasion pour réfléchir aux enjeux éthiques liés à la voiture électrique, entre autres aux enjeux environnementaux liés à son développement et aux enjeux soulevés par l'allocation de fonds publics pour favoriser l'achat de voitures personnelles, que celles-ci soient électriques ou non. Ben, étant donné qu'une voiture électrique permet de réduire les émissions de CO2, est-ce qu'elle ne devrait pas être vue comme quelque chose de positif pour l'environnement? Il est vrai que la voiture électrique permet de réduire les émissions de CO2 lors de l'utilisation du véhicule. Donc, en gros, si on se concentre uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre au moment de conduire, les voitures électriques utilisées au Québec sont nettement moins polluantes que les voitures à essence. Donc, au Québec, étant donné que plus de 90% de l'électricité provient de la filière hydroélectrique, le véhicule électrique d'un conducteur québécois est moins polluant qu'un véhicule traditionnel à essence. Mais dans des provinces comme, par exemple, la Saskatchewan, l'Alberta ou la Nouvelle-Écosse, l'électricité provient principalement du charbon et du gaz naturel. Donc, le résultat, vu qu'on parle ici d'une politique qui serait fédérale, serait inégal d'une province à l'autre. Dans certaines provinces comme le Québec, il y aura des gains, mais dans d'autres provinces, il n'y en aura pas nécessairement puisque la recharge des batteries produira indirectement des gaz à effet de serre. Et dans tous les cas, les émissions au moment de la conduite ne sont pas le fin mot de l'histoire. Il est nécessaire de prendre en considération, comme pour tous les produits, mais le cycle de vie complet de la voiture électrique pour bien analyser son impact environnemental. Il faudrait donc distinguer trois phases pour évaluer l'impact environnemental global d'un produit. La première phase, c'est la phase de production. Donc, tout ce qui est nécessaire pour qu'un objet soit disponible au consommateur. La deuxième phase, c'est la phase d'utilisation, donc le moment où le consommateur a un objet entre ses mains. Et la troisième et dernière phase, c'est la phase de fin de vie, donc le moment où le produit est désuet, le consommateur ne peut plus l'utiliser, mais où le produit est toujours présent physiquement dans l'environnement. Donc, il faut regarder si à la phase de... Là, on a parlé de la phase d'utilisation, mais il faut regarder la phase de fabrication et la phase de fin de vie. Exactement. Donc, il faut faire une analyse globale de l'impact, l'impact environnemental global d'un produit. Donc, même si l'impact environnemental d'une voiture électrique est moindre qu'une voiture à essence lors de sa phase d'utilisation, la relation est inversée lors de la phase de fabrication compte tenu des coûts environnementaux liés aux matériaux requis pour la fabrication d'une voiture électrique, plus spécifiquement les batteries qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ces véhicules. Donc, des batteries sont la plupart du temps construites dans des pays qui utilisent des sources d'énergie non renouvelables, principalement des énergies fossiles, pour alimenter les usines qui fabriquent ces batteries. Et en ce moment, en 2019, environ le 2/3 de la production mondiale des batteries vient de la Chine. Et rappelons que l'énergie utilisée ou produite en Chine n'est pas particulièrement propre. Donc, la Chine produit environ le 3/4 de son électricité à partir du charbon et moins de 10% de son utilisation totale de l'électricité serait de sources propres ou renouvelables. Donc, dans un tel contexte que le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, le CIREG, a calculé qu'une voiture électrique a un impact environnemental deux fois plus élevé qu'une voiture à essence pour sa phase de production. Ouais, deux fois plus élevé, c'est quand même significatif. Et qu'en est-il pour la phase de fin de vie du véhicule électrique? Donc, dans ce cas-ci, l'impact environnemental d'une voiture électrique en fin de vie, donc la dernière phase d'utilisation d'un produit, va grandement dépendre de notre capacité à recycler les batteries une fois que celles-ci sont désuètes. Pour le moment, les entreprises qui recyclent les batteries utilisées par les voitures électriques sont plutôt rares, ce qui pourrait grandement limiter la capacité de les recycler, ces batteries, dans quelques années. Évidemment, ça, c'est l'état actuel du monde. Il est tout à fait possible que les entreprises privées décident de venir remplir ce vide. Mais il y a néanmoins d'autres obstacles liés au recyclage des batteries par des entreprises privées. Un de ces obstacles, c'est que présentement, chaque manufacturier automobile fabrique ses batteries selon différents plans. Donc, le résultat, c'est qu'une entreprise de recyclage doit comprendre comment la batterie de chaque manufacturier est conçue, ce qui nécessite des connaissances de pointe. Et ça pourrait également jouer sur la rentabilité du recyclage des batteries. Donc, si c'est une activité qui n'est pas rentable, il est possible que peu ou pas d'entreprises privées soient intéressées à le faire. Effectivement. Puis, pour terminer sur les enjeux environnementaux, quel est l'enjeu éthique principal lié à l'environnement et au développement de la voiture électrique? Parce qu'on parle de métaux quand même aussi. Donc, il y a l'aspect GES pour la fabrication, mais aussi des aspects liés à l'utilisation, l'extraction des métaux pour faire ces batteries. Exact. Donc, bien que les voitures électriques puissent être perçues comme une amélioration par rapport aux voitures à essence, surtout pour les gens qui habitent au Québec qui utiliseraient cette voiture sur le territoire québécois, l'enjeu principal, c'est que leur production ne respecte pas en tout point le principe de développement durable. Donc, le principe de développement durable souligne qu'un développement est justement durable s'il répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, comme vous le disiez, par une utilisation accrue de minerais et de métaux disponibles, qui sont par définition disponibles en quantité finie, de plus, l'extraction requiert beaucoup d'eau et d'énergie. En effet, loin d'être évident que la production à grande échelle de voitures électriques soit soutenable à long terme. Donc, il est possible que, dans l'objectif de répondre aux besoins du présent, nous hypothéquions la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est encore plus vrai si l'énergie utilisée pour recharger les batteries des voitures électriques n'est pas renouvelable. Donc, si la source de cette énergie est le charbon ou le gaz naturel. Et je vais également y revenir, mais peut-être qu'un modèle qui s'éloignerait de la voiture personnelle, qu'elle soit électrique ou à essence, est préférable. Puis au-delà du fait que le recours à la voiture électrique ne respecte pas en tout point le principe du développement durable, est-ce que l'activité minière associée à l'extraction de tous ces métaux soulève aussi d'autres enjeux éthiques? Justement, ces activités minières ont souvent lieu dans des pays où les droits humains et les droits du travail ne sont pas respectés. Donc, dans un rapport publié l'année dernière, en 2018, par l'Agence européenne pour l'environnement, les mauvaises conditions de travail en République démocratique du Congo sont soulignées dans ce rapport. Donc, je rappelle que la République démocratique du Congo est un pays où l'activité minière nécessaire à la fabrication des batteries pour les véhicules électriques est très importante. Et il y a de cela quelques mois, Amnesty International lançait un cri d'alerte quant au non-respect des droits humains dans les mines de ce pays. Entre autres dans les mines de cobalt, qui est un élément essentiel à la fabrication des batteries. Évidemment, en tant que consommateur, il n'est pas toujours possible d'acheter des produits dont la fabrication respecte en tout point les droits humains, entre autres parce que on n'a pas toujours une connaissance adéquate des matériaux nécessaires à leur fabrication et aussi de la provenance de ces matériaux. Mais on fait néanmoins ici face à ce qu'on pourrait considérer un dilemme moral ou un dilemme éthique. Donc, d'un côté, l'achat d'une voiture électrique représente une amélioration par rapport à la voiture à essence car elle permet d'émettre moins d'émissions de CO2. De l'autre côté, on voudrait aussi respecter et supporter des activités qui respectent les droits humains les plus fondamentaux. Mm-hmm. Donc, c'est deux objectifs qu'on devrait avoir. Mais il semble que dans l'état actuel du monde, il semble difficile, voire impossible de faire les deux actions en même temps, de respecter les deux objectifs en même temps. Effectivement. Puis un peu plus tôt, vous avez mentionné que l'utilisation de fonds publics pour financer l'achat de voitures électriques, comme le proposent les partis politiques, soulève des doutes. Mais pourquoi ce ne serait pas une bonne idée pour nos gouvernements de subventionner l'achat de voitures électriques? Oui, donc, bien qu'il soit tout à fait raisonnable pour les gouvernements d'orienter les comportements des individus par le biais de programmes, de subventions, d'aides aux citoyens, quelque chose que les gouvernements font souvent. Il faut tout de même reconnaître que certains de ces programmes encouragent un mode de vie que seulement certains individus peuvent se permettre d'avoir, ou encore un mode de vie qui a des répercussions sur l'ensemble de la société. Alors, dans le cas de la voiture électrique, dans le cas qui nous intéresse, ce sont, selon la plupart des propositions des partis politiques, évidemment le Bloc québécois, lui, voudrait proposer une aide pour les ménages les moins fortunés. Et pour la plupart des propositions des partis politiques, ce sont des individus qui ont la capacité de se payer une voiture neuve, justement. Ouais. C'est-à-dire des individus qui ont déjà de relativement bons moyens financiers. Évidemment, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement le 1% des gens les plus riches de la société qui peuvent se procurer une voiture neuve, mais la question quant à une utilisation optimale des fonds publics mérite d'être posée. Donc, pour prendre un seul exemple, l'aide proposée par le Parti libéral représenterait au minimum un investissement de 300 millions pour le gouvernement fédéral. Et légitime de dire que de telles sommes seraient peut-être mieux investies dans le transport collectif. Permettrait de profiter à plus de monde, incluant les personnes les plus démunies. Effectivement. Mmh. Donc, une augmentation du financement du transport collectif aurait l'avantage, vous y faisiez mention, de favoriser plus de monde, par la fait même aussi, potentiellement, de favoriser la justice sociale, en bénéficiant tout d'abord aux gens moins fortunés qui n'ont pas les moyens de se procurer une voiture neuve et qui, de plus, pourraient ne pas avoir les moyens de se procurer une voiture tout court. De plus, de telles sommes pourraient permettre d'augmenter l'offre de transport collectif pour des collectivités où l'offre actuelle ne correspond pas aux besoins de la population. Par exemple, le transport collectif interrégional, pas juste pour le transport collectif urbain. Et ceci pourrait faire en sorte que plus de gens utilisent le transport collectif plutôt que leur voiture personnelle. Donc, en plus de favoriser la justice sociale, une utilisation de ces fonds publics pour augmenter l'offre de transport en commun aurait aussi le mérite d'être en meilleure adéquation avec le principe de développement durable. Et au-delà du fait qu'une telle subvention soulève des enjeux de justice sociale, finalement, et d'allocation juste des fonds publics, est-ce qu'une telle aide soulève aussi des enjeux sur l'organisation de la vie collective? En effet, donc la politique de subvention pour l'achat de véhicules électriques soulève une dernière question importante quant au type de ville que nous souhaitons avoir, ce qui est définitivement un enjeu sur l'organisation de la vie collective. Donc, même s'il s'agit de subventions pour des véhicules électriques, il faut se demander si les politiques des grandes villes sont cohérentes avec le fait d'encourager le recours à la voiture personnelle. Pour les grandes villes comme Québec et Montréal, un bon aménagement urbain ne compte pas forcément des autoroutes à six voies, des nouveaux ponts ou des nouveaux liens, ou de grands stationnements asphaltés à tous les kilomètres. Donc, c'est la qualité de vie des habitants, des citoyens, qui est ici en jeu. Donc, les grandes villes, on le sent de plus en plus, ont la volonté d'investir leurs ressources ailleurs, comme dans l'aménagement d'espaces publics, de parcs, ou encore d'un système de transport en commun qui est fiable et complet, qui répond aux besoins de la population. Donc, on comprend les organisations de ces grandes villes, puisque ces mesures ont plusieurs effets positifs qui sont reconnus, dont de contribuer à la santé, au confort et au bien-être des citoyens. Or, un système qui privilégie le recours à la voiture personnelle crée des problèmes importants d'urbanisme pour les villes. Oui, donc quels sont les effets du point de vue de l'urbanisme, justement, de telles subventions à la voiture personnelle? Donc, du point de vue de l'urbanisme, le fait d'instaurer des incitatifs pour l'achat de véhicules personnels a deux effets. Le premier, c'est de miner les efforts, justement, les efforts que je décrivais un peu plus tôt, qui sont des efforts qui sont déployés par certaines villes pour densifier et assainir l'environnement urbain. Le second effet, c'est de créer des environnements urbains qui sont incohérents. Donc, ces environnements urbains sont incohérents parce que, d'une part, on incite le consommateur à acheter des voitures personnelles en lui donnant un crédit, alors que, d'autre part, la ville a une capacité limitée à accueillir en son sein des voitures, que celles-ci soient électriques ou non. C'est encore plus vrai dans un contexte où le parc automobile du Québec croît plus rapidement que la population. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de cette incohérence? Absolument. Donc, supposons que vous souhaitez assister au prochain spectacle de Metallica sur les plaines d'Abraham. Pour vous rendre au spectacle, vous prenez votre voiture personnelle, et ceci même si un service de transport en commun est offert. Donc, une fois à proximité des plaines, vous êtes pris dans un bouchon monstre de circulation. Il semble que vous n'êtes pas la seule à apprécier les rythmes endiablés de Enter Sandman. Vous approchez des plaines, vous pensez que votre calvaire arrive à sa fin, mais non, les stationnements à proximité des plaines sont pleins à rabord. C'est vraiment la catastrophe pour vous. Donc, vous êtes fâché car vous réalisez que les infrastructures de la ville ne sont pas adaptées à votre mode de transport favori, qui est la voiture individuelle, la voiture solo. Surtout, vous ne comprenez pas pourquoi on subventionne l'achat de voitures, puisqu'en fin de compte, dans ce cas-ci, l'achat de voitures électriques, puisqu'en fin de compte, les villes ne sont pas pensées pour accueillir les voitures personnelles, surtout pas en grand nombre. Donc, en bref, les politiques en place ne semblent pas cohérentes entre elles. Les politiques entre, d'un côté, le gouvernement fédéral et, de l'autre, les politiques mises en place actuellement par les villes. Donc, c'est exactement ça qui se passe si les politiques des différents paliers du gouvernement ne sont pas harmonisées entre elles. Donc, évidemment, une mesure, une manière de résoudre ce problème de cohérence serait d'aménager entièrement la ville en fonction de la voiture personnelle. Mais alors, il faut être conscient des problèmes qu'une telle possibilité amène. Donc, on voit que c'est des solutions à court terme parce que ça reporte les problèmes d'encombrement plus loin dans le temps. Définitivement, des solutions à court terme. Donc, ça pourrait soulever des problèmes d'une moins bonne qualité de l'air, par exemple, des îlots de chaleur, ce qui est un enjeu urbain qui est très important actuellement, qui va sûrement devenir de plus en plus dans le futur. Moins de services de proximité, donc les petites épiceries, les cafés, etc. Et évidemment, moins de parcs pour les citoyens, les parcs qui devraient être transformés, par exemple, en stationnement. Imaginez les plaines d'Abraham en stationnement géant, et ainsi de suite. Mais une autre manière, sûrement préférable, de résoudre ce problème de cohérence, et peut-être une manière, bon, comme je le disais, plus raisonnable, c'est de nous éloigner du modèle de la voiture personnelle. Ben là, il y a toute une révolution à faire, peut-être. Effectivement. Donc, un mot de conclusion? Oui, donc autant du point de vue environnemental que du point de vue de la justice sociale, la voiture électrique n'est pas une solution miracle et n'est pas non plus une solution parfaite. Du point de vue environnemental, la voiture électrique a tout de même un impact important, surtout dans sa phase de production. Et en ce moment, il y a certaines zones d'ombre par rapport au recyclage des batteries. Mais il faut quand même reconnaître qu'au Québec, une voiture électrique est préférable à une voiture essence lors de sa phase de fabrication. Néanmoins, du point de vue de la justice sociale, autant l'argent public pourrait être mieux utilisé ailleurs, autant il pourrait être préférable de s'éloigner du modèle de la voiture personnelle, surtout dans un contexte urbain. Ben voilà qui va nous faire réfléchir un petit peu sur nos futures envies peut-être d'acheter une voiture électrique. On va se remémorer tous ces effets que peut-être la voiture électrique ne réglera absolument pas tout. Effectivement. Et pourra peut-être même soulever d'autres problèmes. Alors merci beaucoup, David. Ça fait plaisir, merci à vous. Donc je rappelle que nous étions en compagnie de David Rochelot-Houle, qui est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Merci.